L'émission du conseiller municipal de Malartic, Jacques Saussier, a soulevé des questionnements chez certains citoyens. Il a remis sa démission parce qu'il déménage tout près des limites de la ville. Le maire Fernand Carpentier souhaite emménager prochainement à Rivière-Eva tout en continuant son mandat à la mairie. Deux poids, deux mesures, selon le conseiller démissionnaire Jacques Saussier. Les gens ont intérêt à poser cette question-là. Si moi je suis dans l'obligation, je vois pas pourquoi que ça serait pas la même chose pour le maire, là. En tout cas, ça, c'est aux citoyens de poser la question, la loi doit s'appliquer dans un cas comme dans l'autre. Fernand Carpentier a pris en considération les doléances des citoyens. Il vérifie si légalement il peut poursuivre son mandat jusqu'aux prochaines élections. Ça, c'est les avocats qui ont ça entre les mains. Vous pouvez être assuré que Fernand Carpentier s'accrochera pas au pouvoir. Moi, les 5 années que j'ai données ici, j'ai donné beaucoup d'énergie, ça a bien été, je m'accrocherai pas au pouvoir. Mais si la loi dit... Faut que tu restes 5 soirs par semaine ici. Je vais me ranger sur le mois de novembre pour pas te faire dépenser 10 000 piastres en municipalité pour une élection. Alors, quand ça fait moins d'un an, le promaire continuera. Au mois de juin dernier, Fernand Carpentier avait annoncé sa démission pour des raisons médicales. Il est par la suite revenu sur sa décision. Sandra Ataman, Radio-Canada, Malartic.